mais elle s'ouvre petit à petit. Et plus tu y croiras, plus tu pourras, plus tu réussiras à l'ombre du show business. Aujourd'hui, ce sera peut-être plus simple parce qu'il y a toute une jeunesse qui te suit, mon frère. À l'ombre du show business, le soleil peut se lever. Aquesta és una cançó que ja havíem escoltat en el seu moment a la nostra sintonia, amb una col·laboració d'aquest disc, l'ombra del show business, l'ombra del negoci de la, del show, de la música, del que vulgueu, l'ombra del show business, amb la qual Kerry James, el nostre protagonista d'avui, es rodeja amb les paraules de Charles Aznavour. Jim McCree, la cançó que havíem escoltat abans, la cantava al costat de Grant Cortsolade i Zao, i aquesta darrera que escoltem d'aquest àlbum, tot recordar-lo, des del 2008, amb Kerry James, és el tema Encore, amb Sean Slack. Yeah, Kerry James, Sean Slack, collabo, Encore. Yeah, yeah, yeah. Je suis encore là, my nigga. Hardcore et réfléchir sur un son qui a quelque chose de gangster. Je compterai comme le dit Henri. Je m'en vais graver l'histoire comme Tupac B.I.G. Baby, baby. Yeah. Être une légende en vie sans se faire descendre par ceux qui t'envient, c'est le pari que font mes tuts. De L.A. à Paris, ma voix s'impose comme celle de Paris. Mon ton est grave comme mon époque, grave. Même mon major, mon son est brave. J'rappe depuis 92, depuis l'époque des loose. J'rappe même quand y'avait pas de flouze. 15 ans après, j'suis encore là. Jusqu'au 9-3, tout le monde est corda. Voilà encore un nouvel album, un nouvel album. Une super production, une grosse bombe. You don't want more with us, you don't want more with us. Everybody knows his name is Kerry James. He will never change. Encore. You don't want more with us. You don't wanna brawl with us. Everybody knows his name, Kerry James. And we're here together forever. J'ai de l'amour pour la banlieue. Fais le savoir au haut lieu. Même blindé, j'serai jamais comme eux. Tant que je serai vivant, je serai encore dans le camp des démunis. J'rêve encore de nous voir unis. Même si j'suis pas encore dans le rap qui rapporte. Tant pis, tant que j'suis encore dans le rap qui apporte. J'suis encore pour l'éducation, l'élévation, par l'instruction. J'suis encore sur une mission. J'suis encore pour la révolution, par l'évolution. Le message ne change pas, même sur le gros son. J'suis encore puissant, puissant mon inspiration. Dans les yeux des exclus de la nation. Comme j'ai encore le sens du partage, j'rappe encore pour ceux qui attendent le jour du pactage. Même plein de fric, tant que mes frères mènent une vie tragique. J'ai encore Kerry James, le mélancolique. You don't want more with us, you don't wanna brawl with us. Everybody knows his name is Kerry James. He will never change. Encore. You don't want more with us, you don't wanna brawl with us. Everybody knows his name, Kerry James. And we're here together forever. Let me talk to him. One thing about us, you don't wanna ever try to clown us. Wanna ever outboss us, you better ask around. We're the kings in town. We're the kings. And for all of y'all that just don't know me, Kerry James and Killer Me the only track too. You don't wanna brawl, no. You don't wanna brawl with us. You don't wanna brawl with us. Everybody knows his name. His name is Kerry James. He will never change. Encore. You don't wanna brawl with us. You don't wanna brawl with us. Everybody knows his name, Kerry James. And we're here together forever. Paris a le bras levé. Ils savent qui est le vrai. C'est pour ça qu'ils en veulent. Encore. New York a le bras levé, ils savent qui est le vrai, c'est pour ça qu'ils en veulent. Encore. Le 9-4 a le bras levé, ils savent qui est le vrai, c'est pour ça qu'ils en veulent. Encore. LA a le bras levé, ils savent qui est le vrai, c'est pour ça qu'ils en veulent. Encore.

ta place à ta place. J'essaierai de comprendre pourquoi l'amour est là, de Caribe dans Scylla. J'ai perdu les syllabes et je m'ennuie de toi, il n'y a plus que l'espace. Entre toi et le monde, entre le monde et moi, j'ai troqué tous mes as. J'ai prié le bon Dieu pour qu'il ne m'oublie pas. Oh, j'aimerais tant tout recommencer. Je me sens seul, même accompagné. Dans mes souliers, parfois je disparais. On est là face à face, planté dans un décor que plus rien ne menace, ou ça passe ou ça casse. On essaie de courir alors qu'il faudrait pas, on efface les voyages, les sourires, ce qu'on a fait de nous, un coup de poing dans la glace. On regrettera, je crois, on en est où, dis-moi. Oh, j'aimerais tout recommencer. Je me sens flou, même bien éclairé. Dans la lumière, parfois je disparais. J'aimerais tout recommencer. Je me sens nu, même tout habillé. Tu te retournes et moi je disparais. És la música d'aquest personatge, de Patrick Bruel, que ens acompanya, un artista que ens ha acompanyat sempre la seva música. En Patrick Bruel va néixer a Tremesen, Argelia, el 14 de maig del 1959, conegut cantant, compositor, actor i jugador professional de pòquer francès. És d'origen jueu. Un primer èxit en el món de la música va ser aquest Malgré se tenen l'ara, una cançó que, entre d'altres, també recordem després els duets que va fer, aquell àlbum de duets, entre dos, que també l'havíem recordat en el nostre programa, entre d'altres amb Charles Aznavour, amb James Goldman, també el tema francès per a Eurovisió, que havia compost en el seu moment. Un bon personatge, que el 1982 va debutar amb el seu àlbum Vida, i després doncs, n'ha extret, si no recordo malament, fins a 8, a més, de diversos àlbums també en directe. Hem escoltat les seves cançons, la seva música, els dos senzills oficials extret d'aquest Assessor Sort, el seu àlbum de 2018, que avui teníem el plaer de poder escoltar al vostre costat. Però hi ha altres cançons magnífiques, On Se Ple, per exemple, és una de les que podem trobar amb aquest disc. Bien sûr qu'on aurait pu ne pas se voir ce soir. J'étais dos à la salle, seul, accoudé au comptoir. Petit jeu de regard à travers le miroir. Un whisky, pourquoi pas, japonais de surcroît. Un verre cogne dans le mien, je me tourne, un sourire m'éclabousse. Des yeux aussi brûlants que cette nuit, la lune est rousse. On se cherche, on se regarde. On rit, on joue un peu. On va pas se mentir, il y a quelque chose dans nos yeux. Mais dans quoi je suis en train de m'embarquer? Même s'il est déjà trop tard pour y penser. On se plaît. Qu'est-ce qu'on en fait? On se plaît. Ce type qui vient t'enlacer, please, dis-moi que c'est ton frère. Tu éclates de rire, tu es belle, je fais trois pas en arrière. Je ne sais rien de ton histoire, on se cherche dans le noir. Petit jeu compliqué, même si on sait que les dés sont jetés. Tu enflammes la piste sur cette base de trappe qui résonne. Et moi qui fais de mon mieux pour danser sur ce reggaeton. Et d'un coup, d'un seul, tu m'as pris par la main. Tu m'as dit on ne décommande pas le destin. On se plaît, qu'est-ce qu'on en fait? On se plaît, je disparais. Je suis revenu souvent écrire sur ce comptoir qu'il faut pas avoir peur de croiser son histoire. Attendu quelques verres, qu'elle repasse par là. Les trois pas en arrière sont restés coincés là. On se plaît, qu'est-ce qu'on en fait? Clac des doigts, je disparais. On se plaît, qu'est-ce qu'on en fait? Clac des doigts. Patrick Bruel, ens hem acompanyat uns minuts amb el nostre espai. Segueixes al costat d'Andolala Music, aquest espai que arriba a la seva meitat amb el dia d'avui i ho fa amb aquestes cançons que ens acompanyen amb els dos primers protagonistes del nostre espai, en Kerry James, amb el seu rap i després amb aquest pop d'en Patrick Bruel. Andolala Music, el programa de música en francès de la vostra emissora. Me voilà drapé dans un drapeau, déambulant dans les ruines. J'ai 17 ans et ne sais pas trop qui a démoli ma ville. Ma mère amère ne me dit rien, où est passé son sourire? Ils ont défait nos plus beaux refrains, nos vies. Moi l'enfant défendant maman, la serre en séchant Cécile et l'enchante, lui chante. On partira loin, les océans, les mers et les vents, je les boufferai maman. On partira vers le bien, on partira bien loin. Il y a des guerres qu'on ne guérit, maman. On partira vers le blanc, avant les gravats et les gredins. C'est souvent qu'on aimait rire. Toutes les mamas et les bambins pouvaient rêver d'avenir, de vie. Moi l'enfant rassurant maman, la prend dans mes bras habiles et l'enchante, lui chante. On partira loin, les méchants, les mauvais, les manants, je les boufferai maman. On partira vers le bien, on partira bien loin. Il y a des pays pour la paix, maman. On partira vers le blanc. Est-ce que pleurent les Européens? Et au fond, qui sont nos copains? Y a-t-il une main vers demain? Y a-t-il une main vers demain? On reviendra, oui, quand notre ville aux mille soleils aura guéri, maman. On reviendra comme avant. mais y a-t-il une main vers demain? Y a-t-il une main vers demain? Música, companyia, Patrick Bruel i d'altres grans artistes que durant tots aquests dies ens aniran acompanyant a la nostra sintonia. Artistes de molts tipus diversos. Avui estem escoltant alguns dels àlbums que encara ens havien quedat pendents per anar escoltant, que us havíem preparat per la temporada passada, però el que són les coses, no hi havíem caigut. Dues veus masculines, arriba el torn, si us sembla, d'una de femenina, després d'haver escoltat aquestes cançons que ens portava aquest artista, en Patrick Bruel. Podríem escoltar un altre gran cantant, però en aquest cas amb una veu femenina, com dèiem, aquesta cantant que també ens havia acompanyat a més un programa, guapíssima ella, preciosa, una cantant belgo-canadenca nascuda a Etterwijk, a Brussel·les, com Lara Sophie Kati Kroekaert. Lara Fabian és com es coneix. El 9 de gener de 1970 va conèixer, a més, d'ascendència siciliana per part de mare i flamenca per part de pare. Avui d'ella recordarem el que va ser, si no recordo malament, el seu sisè treball discogràfic, setè, si contem un recopilatori que es havia publicat. Noé, despullada, absolutament, el 2001 el va publicar aquest disc i avui també tindrem el plaer de sentir més d'una de les cançons que formaven part d'aquest àlbum. Realment és un disc que fou preciós, incluïa cançons com aquesta que escoltarem, J. Crow Encore, i que va ser una de les més destacades d'aquest àlbum. D'ici rien ne parle, rien ne bouge. Arrêt sur écran vivant. Isolé, vaincu sans doute, aliéné, pas même un battement. J'aimerais qu'on me ramène, je ne reconnais plus les gens. Seul tout au fond de ma haine, la peine est mon dernier amant. Il faudrait que je me lève, respire et marche vers l'avant. Bâtisse à nouveau la grève enterrée par mes sables mouvants. Et me souvenir de celle qui n'existe plus vraiment. Redevenir la rebelle et la bête vaincue par l'enfant. J'y crois. Le silence a eu tort.

jamais tu ne comprendras. J'ai appris à travers ces larmes qu'il faut en aimer mieux que ça, que les mensonges sont comme des lames qui tranchent et je n'y coupe pas. J'irai toujours là où c'est calme, j'irai toujours là où c'est droit, où l'infini sera ma flamme. Mais ça jamais tu ne le verras, c'était pas toi. Je ne savais pas, je ne t'en veux pas, pas plus qu'à moi. Totes les cançons que van sortir com a senzill d'aquest àlbum, n'he triat 5 d'elles i és la música de la Lara Fabian. Si us agrada, doncs esteu d'enhorabona avui amb el nostre programa, ja pràcticament fins al final del nostre programa. Jacques Ranco, L'Immortel, Merdeja és el tema, i ara dues col·laboracions que va fer la Lara Fabian amb aquest disc, amb aquest Nu, el seu cinquè àlbum d'estudi, quart en francès, que el 28 d'agost de 2001, a través del segell Polydor, sortia a la llum. Tu es mon otro i Bambina són les dues cançons que escoltem a continuació. Je suis ton autre.

Genial, fantàstica la seva interpretació, el seu romanticisme, la seva veu, les seves cançons. Aquí hem escoltat a Lara Fabian, ja a la recta final del nostre espai, avui amb un programa d'Olala Música que ens ha portat la música, el rap de Kerry James, aquesta pop de Patrick Bruel, el record i el romanticisme de Lara Fabian, i per acabar, doncs, una cançó que és la que hem escoltat al principi. Cada temporada mirem de canviar la cançó que obre la porta, sempre parlant de música, amb el nostre espai, i aquesta temporada hem decidit, si no canviem les coses, perquè també podem fer-ho, de començar amb la music, la cançó de Philippe Catherine, que ens acompanyava amb el nostre espai. Per tant, amb aquesta cançó us deixem fins la propera edició de Hola la Música amb Rafael Corbí. A reveure. La majeure. La majeure. Celui-là, la majeure.